Ah ben non, justement, mais à l'endroit. Ouais, j'ai eu le même, j'ai eu le même problème. Non, mais quelques temps. Attends, je l'ai mis à l'endroit. Parce que, est-ce que si en tu fait, veux, il faut que tu... moi je le vois à l'endroit. Ouais. Et moi je le vois à l'envers. Bon, alors on va arranger ça tout de suite. Attends. Je me rappelle parce que je me suis fait avoir la dernière fois avec quelqu'un d'autre. Je dirais, qu'est-ce que... Ah oui, ben en faisant le, en mettant le plan cadastral. En fait, le plan cadastral apparaissait à l'envers pour celui qui était en face. D'accord. En mettant de mon côté à l'endroit. D'accord. Mais ça va pas parce que moi je le voyais, je l'avais mis à l'endroit au départ. Et puis, ah ben merde, oui, je l'ai encore là. C'est 4-1. En fait, on a un effet miroir. Ouais. Et d'ailleurs, on avait la même chose sur... en fait, on se voit à l'envers, nous-mêmes. C'est-à-dire que mon œil droit devient mon œil gauche, tu vois. C'est un peu ça, il faut. Bon, on va tâcher de redresser tout ça. C'est bizarre, ça. Ça va être à l'endroit, mais mon truc, je ne peux pas l'avoir en entier. Ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et moi, je ne peux pas l'avoir en entier. Parce oui, que le format... Humilité et sagesse. Oui. Le format, il est... comment dirais-je, il n'est pas bon, quoi. Et je ne sais pas faire ça avec des outils reconnus par Skype et par mon ordi, quoi. Ben, en fait, je ne sais pas, tu avais, ce que tu as envoyé, en fait, est un format portrait, et il faudrait que tu le mettes en format paysage. Eh bien, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Ouais. J'ai essayé ça aussi. Bon, c'est pas grave. Comment vas-tu, toi ? Eh bien, ça va, tu vois, je suis arrivé à Strasbourg, ouais. Après le couvre-feu. Après le couvre-feu, ouais, mais t'as une bonne excuse. Voilà, et une bonne raison, puis on rencontre personne, à part les coursiers en deux roues, à 18h, on ne rencontre pas grand monde. Hein. Bon, ben voilà. Voilà. Et tu as fait bon retour, ça s'est bien passé, c'est... Ben oui, j'ai pu travailler comme tu as constaté. Ah oui, tu as amorti ton déplacement là. Hein. D'une part le déplacement et d'autre part j'ai pu faire le bilan en rentrant dans le train. Ouais. C'est que ça m'a permis de relancer. Mais d'ailleurs, dans la même foulée, j'ai Catherine qui était venue m'interviewer et faire le reportage pour Ouest France. Oui. Le lendemain, je lui envoie ce document et elle me répond, c'est trop tard, le mien est déjà parti. Ah ouais, il faut aller vite. Ça traîne pas. Hein. Bon, et quand parce que la dernière fois, j'ai essayé de voir son article, je ne l'ai pas trouvé. Moi non plus. Ah, toi non plus. Je lui ai posé la question et elle ne comprend pas pourquoi, non, pourquoi on ne l'a pas trouvé. On n'est pas abonné. Elle est au Telegram ou à Ouest France, elle? À Ouest France. Et on n'est pas abonné, c'est pour ça. Parce que sinon... Oui. Bon, ben elle peut l'envoyer quand même. Ce serait sympa pour bien l'étayer. Parce qu'ils sont bien référencés, ces articles, sur Internet. Oui. Il faut que tu saches que le Jardin Merveilleux commence à être bien, bien référencé sur Internet. On y trouve même nos podcasts. Eh ben, c'est bien. Ouais, ça roule. Voilà. Donc, voilà. Bah, je sais que j'ai mis en fait tous les liens adéquats sur LinkedIn aussi. Ouais. Le machin de partage de professionnels, alors que je ne suis plus professionnel, mais. Et en fait, j'ai quand même pas mal de gens qui vont consulter, ouais. Qui sont interpellés là-dessus. Bon, je n'ai pas un énorme auditoire là-dessus parce que justement, je suis sorti de ce milieu et. Mais par contre, ça interpelle. En attendant, Roderick, je voulais t'interpeller moi aussi là-dessus. Tu disais que tu quittais Snapchat. Et je pense que tu as raison parce que ça fonctionne. WhatsApp. WhatsApp, pardon. Je pense que tu as raison parce que ça fonctionne que moyennement. Par contre, moi, je voulais te proposer d'utiliser un réseau qui soit plus, comment dirais-je, qui soit bien vu, quoi, qui passe bien, qui puisse être circonscrit aux gens qui t'intéressent. Oui. Et qui pourrait t'éviter à chaque fois que tu écris d'envoyer ta prose à Y, Z, etc. Et chacun pourrait te répondre, et dans le groupe, pourrait te répondre au vu et au su de tous. Alors, oui. Moi je pense que ça peut être une bonne chose, parce que ça peut démultiplier un petit peu les efforts faits par les uns et par les autres. Ça peut montrer aux autres ce qui se passe, ça peut donner plus de présence, si tu veux. Oui, c'est sûr. Mais le problème là-dedans, c'est que on retombe toujours sur les mêmes personnes. Mais oui, mais attends, tu retombes toujours sur les mêmes personnes, mais sache déjà que les personnes avec qui tu causes, est-ce qu'elles te répondent? Est-ce qu'à chaque fois que tu leur écris, ils te répondent? Je pense pas. Mais sur quoi? Sur WhatsApp? Ben, là où tu écris, tu envoies des mails. Oui. Un mail que tu envoies appelle pour moi une réponse, si tu veux. Est-ce que tout le monde te répond? Ah non, bien entendu. Non, non. Eh ben, alors que si tu utilisais un groupe fermé, eh bien, tu pourrais avoir plus de monde de l'autre côté. Mais je dirais que ce truc-là, je l'ai envisagé à partir du moment où les gens sont prêts à se faire connaître. Et à un moment où j'ai eu un... Bon, tu ne souhaites pas qu'en fait, on parle du passé, mais j'ai eu un truc comme ça où, en fait, il y a des personnes qui se sont mis à répondre un peu de tout et de n'importe quoi et interpeller ceux du groupe sur des sujets qui n'avaient rien à voir. Alors là, on devient, à ce moment-là, on devient policier de ça, et c'est un peu casse-pied, quoi. Ouais, mais à mon sens, un groupe bien mené, eh bien, ça se passe bien. Moi, je vois, si tu veux, j'ai utilisé cette formule-là pour mon immeuble, qui a très bien marché au départ. Pourquoi au départ? Bah, parce que les gens, ils avaient envie de causer, quoi. Et puis est arrivé le confinement là-dessus, ils ont eu moins envie de causer. Alors que ça aurait été le contraire qu'elle t'aurait pu penser. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça pourrait... Tu peux faire l'essai, hein, ça coûte quoi? Rien. Ça coûte éventuellement l'énervement de quelques personnes, quoi. Mais pourquoi veux-tu qu'ils s'énervent si tu es en bonne position pour les interpeller, pour discuter avec eux, pour communiquer avec eux, etc., etc. Je sais pas. Moi, je pense que notre jardin est en déficit de réseau. Mais c'est mon sentiment. Alors, parce que j'ai deux propositions à te faire. Soit tu le fais sur un réseau, sur Facebook, mais dans un groupe fermé sur Facebook, avec les avantages et les inconvénients de Facebook, ou soit tu les fais sur Waller. Waller, ça s'écrit W-H-A-2-L-E-R. W-H-A-2-L-E-R. Et là, tu maîtrises complètement ton truc, quoi, si tu veux. N'appartiennent à ce groupe que les gens que tu as sollicités et qui veulent y appartenir. Et ça démultiplie, si tu veux, ta communication. Je pense que ça peut être un bon truc. Ça peut. Moi, je sais que là-dedans, la multiplication des... comment dire ça, des logiciels et des incitations informatiques et de réseaux commencent à énerver de plus en plus. à cause justement de ce confinement prolongé qui font que qui fait que eh ben, il y a justement il y a des personnes qui sont un peu pénibles là-dessus. On en a Sylvie qui est devenue présidente de l'association de la maison qu'on a au bord du lac Léman. En fait, on a dans la famille des personnes qui sont à tout bout de champ en train de prendre le réseau pour diffuser des trucs qui, en fait, n'ont rien à faire dans le groupe. Et on a beau leur dire, à la rigueur, il faut les chasser, quoi, c'est tout. C'est tout ce qui reste à faire. Ouais. Et pourtant, ils font partie de la famille, et ça fait un peu mal au cœur. Ouais. Bon, écoute, moi je te fais des propositions, oui. Comme d'hab, hein, d'ailleurs, tu disposes, mais à mon sens, la lisibilité du jardin est assez déficiente pour l'instant. Alors, j'attendais, je jouais un peu la montre pour suivre ton conseil et attendre que Roderick arrive, parce que j'aurais aimé que tu nous expliques bien les 4 pages que tu nous as envoyées hier au soir, de façon à être bien compris et à bien avancer ensemble. Tu veux pas essayer de l'appeler ? Ah ben attends, comme c'est moi qui ai lancé le bazar. On doit être au courant, en fait. On doit savoir s'il est en ligne avec le petit point vert qu'on a sur le côté, normalement. Alors, où est-ce que c'est ça ? Parce que là, tu occupes tout l'écran. C'est toi que j'occupe tout mon écran. c'est pas ça. Où est-ce qu'on a le petit oui qui se met sur le côté, là ? C'était quoi, ça ? Ah, voilà. Ça y est. Alors, est-ce qu'il est en ligne ? Pas trop. Essaye de l'appeler si tu peux. Appel en cours. Normalement, il est déjà en cours d'appel. Là, c'est marqué, puisque en fait, il fait partie du. Parce que moi, je l'ai appelé tout à l'heure. Oui. Je l'ai appelé, plutôt mon ordinateur l'a appelé. Peut-être qu'il a du retard. Bon, écoute, c'est pas grave. Oui, de toute façon, en rendez-vous professionnel, c'est très souvent le cas. On ne maîtrise pas forcément ce qui se passe. Oui, oui. Bon. En tout cas, j'ai eu le plaisir de voir Michaela aussi, qui s'était déplacée, donc ouais, ça va bien. Bah ouais, voilà. Je voulais voir un peu où t'en étais dans ton jardin. Alors, quand t'as quitté le jardin, t'es passé par chez nous pour mettre un mot à Geneviève, c'est ça ? Parce que j'ai pas compris. Oui, j'avais sonné chez Geneviève et en fait, ça ne répondait pas. Du coup, je restais collé devant la porte. Trop aimant fermé là et d'accord, bah, t'as bien fait d'appeler. Bon, alors t'as bien je vais tenter Claude. Et ben voilà, on était là. Bon, Geneviève était peut-être pas là quand t'as appelé, hein. Bon. Tu l'as vu sur le jardin, Geneviève? Non, ben, je l'ai vu une fois. Elle est venue, oui, non, une mais... fois, et depuis, mais pendant cette semaine, non, pas du tout. Dommage. Faudra que je fasse une tentative pour l'emmener. Ah ben, il faut les prendre par la main, tu sais. Il faut aller les chercher, les prendre par la main, les pouponner, les bichonner. Ben, les... C'est un peu le... Tu vois, ce que tu me dis, là, je le mets un peu en face de ta remarque sur le déficit de réseau. C'est que c'est ça. C'est que chacun a besoin d'être emmené. Oui, mais c'est pas nouveau d'aujourd'hui, ça. Ça a toujours été, ça. Oui. Moi, depuis que je suis sur informatique, et depuis que j'ai des groupes, et depuis que j'appartiens à des associations, il faut toujours porter les choses. Et c'est toujours les mêmes qui portent. Et à un moment donné, c'est fatigant. N'est-ce pas ? Hein ? T'en sais quelque chose ? Oui, oui. Voilà, donc on porte, et puis à un moment donné, on se fatigue, et c'est là où ça... Où ça tourne mal, quoi. C'est là où ça tourne mal, parce qu'on se fatigue, on ferme les écoutilles, et puis on passe en immersion, et on voit plus rien, quoi. Plus rien du tout. Oui, c'est là qu'il faut se préserver, oui. C'est ouais. Sûr. Et il faut se préserver. Et il faut se donner les moyens de se préserver. Mais je pense qu'il faut agiter. Et c'est pour ça que je te parlais un peu de réseau. Je pense qu'il faut qu'on agite la bonbonnière. Et ça, avec tout le monde. Avec tout le monde. En un mot, pour moi, si tu veux, le quartier de Saint-Goustan devrait aussi avoir un centre d'intérêt qui s'appelle le port, mais aussi le jardin merveilleux. Bon. Ben, c'est ça, c'est exactement ce qu'on a discuté avec la maire ouais. Là-dessus. C'est que en fait, la partie nord de Saint-Goustan, si la partie sud est orientée sur commerce et tourisme et tout ça, la partie nord peut être orientée sur autre chose, sur quelque chose qui attire autant, voire peut-être plus, surtout dans les circonstances actuelles, que le commerce et le tourisme, parce qu'en ce moment, en fait, il est quasiment arrêté, hein, ce paradigme. Ouais. Ouais, alors... Donc, c'est ça qui les a intéressés, parce qu'eux, ils sont quand même écolos. Hein, et alors, en fin de compte, oui, un truc qui m'aurait peut-être paru intéressant, c'est que à ton courrier, tu joignes ton dossier, le dossier que tu as présenté à la municipalité. Oui, pour toi, c'est intéressant. Pour ceux qui ne lisent pas, c'est pas intéressant. Je l'ai là, dans le dossier, puisqu'en fait j'en avais fait 5 et puis finalement il y en a 4 qui sont partis. Ouais. Quand je vois en fait à qui j'ai affaire au niveau lecture, alors, tu vois, dans le petit plan qui est comme ça. Je vois rien du tout, mais c'est pas grave. Si tu me l'envoies. Oui. Envoie-le-moi, ouais. Ça m'intéresse. Et en plus, ouais, je vois pas. Ah, oui, c'est marrant, toi tu disparais. Je disparais et en fait, voilà. Et la feuille, on ne peut pas la lire. Ouais, c'est un fichier numérique, ça. Oui, c'est un PDF. Oui. Eh ben, envoie-le-moi. Envoie-le-moi en PDF. Ça marche. Alors, attends. Et tu peux peut-être même l'envoyer à Roderick, ça pourra l'intéresser. De toute façon, tout ce que j'envoie là, sur Skype, il va le récupérer en temps, dès qu'il va se brancher. Ouais, alors autre chose, ce que tu envoies sur Skype, oui. C'est un fichier Windows, et sache que pour ma part, je suis fâché avec Windows. Donc, c'est Microsoft. pas avec Microsoft, avec Windows. Pas avec Microsoft, non, Microsoft fait des choses très bien. Mais Windows est trop intrusif, ils veulent te faire payer tout, tu t'en sors pas, etc., etc. Et donc, je ne sais pas si on pourrait avoir un protocole commun capable d'être lu sur nos ordinateurs. Normalement, j'aurais pu, comme je te l'avais proposé, mettre le fichier ou écrire sur Paper, puisque en fait Dropbox Paper, normalement, on est censé travailler avec. Ouais. Ben, c'est fait pour. Voilà. Eh ben, mets-le sur Paper, ça sera plus causant. Voilà. Alors, on a sur Paper. Ouais. Le problème, c'est que ces fichiers qui sont fichiers numériques et photos et choses comme ça, ils sont assez lourds. L'étude conceptuelle du jardin merveilleux ? Non. C'est non, mais lourd, tu vois le petit plan. Ah, oui. Non, mais envoie-le-moi, c'est pas grave, ça. Le plan, Non, ça va, celui-là. Il a fait... Stéphane a fait court, donc c'est bien. Je vais te le mettre. Hop. Tu parles de quoi, alors, là? Je parle du petit plan, là. Je vais les envoyer par là. D'accord. Lever la main. Mais tu l'envoies sur quoi? Sur Skype. Ah non, tu veux pas que j'envoie des trucs sur Skype? Non, parce que ça alourdit le truc, etc. Mais envoie-les-moi en mail. Hop, on y va dans le mail. Voilà. Alors, je vais pas passer par Firefox parce que ça marche pas avec le. Avec Paper, en plus. Ah, Firefox ne marche pas avec Paper. Oui, enfin, le mien en tout cas, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Ouais, ouais, mais t'as des tas de trucs. Si tu veux, c'est de pire en pire. Oui. Moi, je vois, toutes les banques ont changé de protocole il n'y a pas très longtemps. Et alors, quand tu veux te reconnecter à ton compte, oh putain, tu passes des heures carrées à remettre le mot de passe, le truc, le machin. C'est insupportable. Mais c'est insupportable. Toi aussi, tu as les mêmes problèmes ? Ah oui, j'ai les mêmes problèmes. Bon, ben ça va, je ne suis pas seul. Ah non, mais c'est... Il y a une, en fait, avec le confinement, il y a énormément de gens qui ont travaillé sur l'Internet et il y a une multiplication de choses qui, en fait, ont déboulé sur Internet sans être complètement au point, et y compris chez les professionnels. J'ai eu des problèmes, j'avais la liaison pour EDF, j'avais la liaison pour le gaz, j'avais et puis tout d'un coup, ils se sont mis à faire évoluer les choses, ça ne marchait plus. Ah ben, les mêmes problèmes. Voilà. Moi, j'ai passé des heures carrées avec EDF, avec Engie, avec... Et le gaz a écrit dernièrement à mon père, qui est mort il y a un an. Non, il n'y a pas un an, mais un peu moins que ça. Et pour leur dire qu'ils vont intervenir sur son compteur. Tu les appelles, tu leur dis que l'adresse à laquelle ils écrivent, eh bien, l'interlocuteur est mort. Alors, je leur dis, ben, changez d'adresse, voilà, je vous donne la mienne. Alors, ils me demandent mon adresse, mon mail, mon téléphone et tout. Et puis, j'ai fait, voilà, c'est bien, on a changé, etc. Bon. Et alors je lui fais, quand est-ce que vous allez intervenir sur ce compteur ? Parce qu'ils veulent faire, tu sais, comme avec le gaz, comme avec Linky. Tu oui. sais, des compteurs qui causent tout seul. Quoi. C'est ça. Alors, il me fait, on va vous mettre un courrier. Ben, je lui fais, oui, d'accord. Et à quelle adresse vous allez l'envoyer ? Eh bien, à Paris, 12 boulevard du Port-Royal. Mais je viens de vous expliquer que c'est mon père, là, il est mort. Et là-dessus, il me fait, ah ben, on peut rien changer. Mais je lui fais, ça fait 10 minutes que je cause avec vous pour changer l'adresse. Vous ne m'avez pas dit que vous ne pouviez pas la changer, quoi, tu vois. Un truc, j'ai raccroché au nez, quoi. C'est absolument effrayant. C'est... Moi aussi, je suis, en fait, sur l'électricité, j'ai été associé au nom de mon grand-père, qui est mort déjà depuis un moment, parce qu'ils disent on ne peut pas l'enlever. Eh bien, toi aussi, ils te font le coup. Mais voilà, non, mais c'est insupportable. Alors, il faudrait que j'écrive à Gaz de France pour leur dire que mon père est mort. Mais je ne vais pas écrire à Gaz de France qui n'est pas mon provider, mon fournisseur. Mon fournisseur, c'est Engie. Putain. Voilà. Insupportable. Bon, écoute-moi, mon ami, le Roderick, là, il a l'air un peu dans les choux. Attends, je fais juste une petite secousse, là, pour l'appeler. Comment on peut l'appeler, Roderick ? J'arrive pas à l'appeler, moi. Bon, je t'envoie déjà les quelques documents. Ouais, ouais. Hop, c'est parti. Bon, ça, c'est bien. Alors, pourquoi ça marche pas, ça ? Ah, Roderick, rejoins l'appel. Ah, tu m'entends ? Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Maintenant, oui. Bon, il vient de se passer quelque chose d'assez soigné. Moi, j'essaie d'appeler Roderick. Ah, toi, tu peux l'appeler, peut-être ? Oui. Moi, je peux pas. Appel de Roderick. Bon, de toute façon, s'il était revenu, il aurait tâché de rejoindre la conversation. C'est ce qu'il avait fait la fois dernière. Et ouais. Ça avait marché, mais là... Mais là, bon. Il est dans les caves de la banque. Bon, écoute, on va attaquer, nous, hein, parce que l'heure tourne. Et... Alors, avant d'attaquer, ouais, donc je voulais te faire voir un petit peu avec toi cette histoire de réseau. Penche-toi sur la question, tu vas voir. Ou alors, c'est peut-être une bonne formule. Ensuite, concept, aller vers l'autre. Moi, d'ailleurs, c'est toi qui avais noté ça, pour le concept, aller vers l'autre. Bon, alors j'ai noté ça, moi, parce que ça me paraît être une bonne affaire. Et puis, je ne sais pas si on ne tourne pas un peu en rond, parce que avec notre nuage de mots, on s'aperçoit, bon, ben, on met des mots. Bon, alors, des mots barrés, des mots pas barrés, etc. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va faire notre concept? Moi, comment faire du concret? Et c'est pour ça que je pense qu'à partir de la discussion que tu as eue avec la mairie, parce que ça, c'est concret, c'est avec des tiers, ça concerne le secteur géographique qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut tirer de concret de ça? Oui. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion concrète? De quoi? Ah ben, si tu me passes la parole, là. Ah oui, je te pose des questions. D'accord. Ben moi, j'ai vécu dans le concret pendant 8 jours. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Et puis, après ça, je suis allé sur ce que c'est qu'un concept, déjà. Ah. Qu'on soit d'accord sur la définition de ce que c'est, par où ça passe, qu'est-ce que c'est, quelle est la définition des... Alors, il y a la définition, philosophique, qui n'est pas du tout concrète, puisque, en fait, c'est nos représentations abstraites. Donc, je l'ai écartée, et on en arrive, après ça, à la définition marketing. Ouais. Et que tu dois connaître, je pense, puisque tu en as fait, du marketing, oui. Avec différents thèmes que j'ai repris dans le document que je t'ai envoyé et que tu n'aimes pas. Parce que c'est un Windows. Quel document que j'aime pas, hein? Parce que c'est un Windows. Ah oui. D'accord. Voilà. Alors, ce que je peux faire en l'état actuel, c'est... Non, mais on va le garder. Pour l'instant, je l'ai là sur mon ordi, etc. Mais... Tu l'as ouvert? Ah oui, je l'ai ouvert. D'accord. Mais d'abord, c'est pour moi un peu difficile à ouvrir en termes d'ergonomie, mais une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Sans ça, on peut partager l'écran. Oui, on peut partager l'écran. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais proposé, de mettre ça sur écran. Alors, ce document... tu as le titre, Jardin merveilleux, et puis après, en point 2, chapitre 2, la conscience du trouble, inside. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi l'accroissement de la désespérance, de la tristesse, de la peur? Pourquoi tu parles de ça? Alors que moi, dans ma tête, on fait un concept simple pour que les gens... y adhèrent simplement et leur donner envie d'adhérer, quoi. Et pour leur donner envie d'adhérer, ben, y a pas de contraintes extérieures, je reprends tes mots, quoi, hein, le frein et la raison du trouble, etc. Alors, pourquoi tu mets ça là, comme ça, en plus, dans les premières lignes de ta démarche? Parce que en fait, ça correspond. Ce sont les raisons. C'est ce qu'on demande d'ailleurs même dans les projets. Quelles sont les raisons fondamentales pour les projets européens qui font que tu déposes un projet? Donc en fait, il faut quand même que tu lui dises. C'est pas je veux aménager un jardin. Ça suffit pas, ça. Et voilà pour le. Alors pour attends, ça suffit pas. Et il faut parler du trouble. Parlons de projet européen. Tiens, on va s'arrêter là, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui m'interpellaient dans ta démarche. avec la municipalité, je reviens toujours là parce que ça, c'est des bases concrètes. Avec la municipalité, tu as parlé de projet européen. Alors, qu'est-ce que tu leur as dit ? Ben, le projet européen, c'est ce que c'est ce qu'on a déposé sur l'ARIA, qui a été validé, mais que je suis en train de réécrire à la façon européenne, c'est-à-dire avec les mots importants qui font que ça décroche. Voilà. On décroche en fait l'aval de la Commission européenne qui va statuer sur le projet. Qu'est-ce que tu leur dis à la Commission européenne ? Parce que ça me paraît... ça me paraît intéressant comme approche, quoi. Moi, je cherche une ouverture dans laquelle je me reconnaisse, quoi. Voilà. Bon, alors, attends. Je vais t'envoyer le document. Mais en fait, comme tu n'accroches pas déjà avec l'accroissement de la désespérance, tu vas accrocher avec pas grand-chose derrière. C'est pour ça. Ah, bon, je pense. Alors, l'envoie pas. Alors, récent. Alors, comment il s'appelle ? Desproges. Voilà. Il me semblait l'avoir envoyé, mais En y réfléchissant, tu as peut-être raison. Je l'ai peut-être vu, mais j'ai peut-être pas accroché déjà, quoi. parce que c'est vraiment pas mon approche, moi, si tu veux. Alors, effectivement, si tu me l'as envoyé et que j'accroche pas, bon, ben, j'accroche pas. Voilà. Donc, c'est pas. Et je ne vois pas pourquoi l'Europe, elle, accrocherait quelque chose, si tu veux. L'Europe, elle a besoin de concret, elle n'a pas... Oui, c'est pour ça que dedans, tu as résultats attendus, variables de suivi, dans le détail, les méthodes employées, voilà, tout ça, c'est dedans. Moi, je reprends les grands thèmes que j'ai toujours fait dans la définition des projets européens et qui m'ont valu 3 projets européens. Voilà. Alors, je vais te l'envoyer. Tu me l'envoies par mail ? Oui, je te l'envoie par mail. Comme d'ailleurs les 2 autres que j'ai envoyés. On va aller voir ça. Non, parce que c'est bien de parler quand même le même langage en même temps. Allez, hop. Celui-là aussi. Voilà, Monsieur Westphal, il a écrit Dev de Proge. Fiche de projet. Dev de, oui, c'est Proge, J-J-M. Ouais. Ouais. Tu l'as ? Ouais, je suis en train de le lire. Ah bon, alors comme ça. Ah non, mais quand c'est en PDF, j'ai pas de soucis. D'accord. Mais donc, tu l'avais déjà ? Je sais pas. Peut-être. Accroissement de la désespérance. Accroissement de la peur. Diminution sensible du rendement global du progrès. Objectif principal, réenchanter le monde. Alors, on veut réenchanter le monde parce que le monde a peur et est désespéré. Hein, c'est bien ça ? Oui, oui. Et on va rechercher et trouver ensemble une nouvelle forme de développement pour notre société, se concrétisant localement en un jardin collaboratif bienfaisant. Il me semble que j'ai lu ça. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est concret. Ça, c'est bien. Mais, objectif intermédiaire, donner de l'ampleur et une mission de sagesse aux anciens, réintégrer l'homme dans son environnement, réapprendre à créer à partir de rien, ça c'est bien, limiter le recours à l'argent, et ben voilà, le concept il est là, valoriser tout ce qui est habituellement qualifié de bénévole, étudier et mettre en pratique les voies créant et développant l'émerveillement. Ben ça me paraît bien. Ah, maintenant c'est chiffré. Budget global annuel. Il est estimé environ 10 000 euros, dont 90 au moins assurés en bénévolat. D'accord, ouais, donc tu chiffres ton truc par le bénévolat. Et donc, les 10 000 euros, c'est ce que tu vas demander ? Non, non, pas du tout. Ça, c'est pas le projet européen, c'est le projet, c'est un pré-projet que j'ai fait pour la validation en intérêt général par ARIA. C'est-à-dire, à l'état actuel, quel est le budget ? C'est pas le budget qu'il va falloir plus tard, c'est quel est le budget actuel. Donc, en budget actuellement, les valeurs brassées sont environ de 10 000 euros, mais brassées, mais pas en argent, c'est tout. D'accord, en service. C'est en service et en temps passé, en discussion, ouais. En construction de documents et d'accord. Tout ça. Pour ce site, il n'y a pour l'instant aucun partenariat. Les principes de temps... Donc ça, si je comprends bien, ce n'est pas européen. Oui. Et c'est pour justifier la démarche ARIA. C'est ça. Et c'est cette démarche ARIA qui va te permettre, avec laquelle tu vas solliciter l'Europe. C'est par l'ARIA, parce qu'un individu n'a pas les mêmes prérogatives là-dessus. Il faut que ça soit une entité. D'accord. Donc ça peut être une école, ça peut être une mairie, ça peut être une... Et encore, les associations ont beaucoup plus de possibilités que les autres entités d'ailleurs. Pourquoi tu dis ça ? Les associations ont beaucoup plus de possibilités... possibilités vis-à-vis de l'Europe, parce que justement, elles ont un objectif, pour la plupart, social, et un statut qui est intermédiaire entre le privé et le public. Ce qui fait que tu peux avoir accès à des propositions européennes de privé, et des propositions européennes de public, des appels à projets. D'accord. Alors, il date de quand ton projet, là, parce que c'est pas daté ? Ah si, du 23 janvier. Si, 23. Ah oui, attends, c'est vachement récent, ouais. Attends, le 23, du 23 janvier 2021, mais en fait, il a été présenté dans cet état-là, au mois d'octobre, à l'association. C'est parce que je l'ai réédité et que c'est une date automatique. D'accord. Alors, est-ce que c'est ça que tu as revendu à la municipalité ? Oui, c'est ça. Mais en fait, dans ce terme-là, ça fait partie du dossier que tu leur as remis. Tout à fait. Ça, c'est vachement bien. Et alors, donc, parce que là, tu poses concrètement bien les choses, et elles sont claires, elles sont pertinentes, et est-ce que tu attends de leur réponse ? Est-ce que tu attends une réponse sur tous ces points-là de leur part ? Alors, ils l'ont. On a discuté, moi je leur ai dit, ce dossier-là, vous envoyez à peu près les choses, mais je ne suis pas là pour le discuter. On va parler de choses qui ne sont pas dessus, notamment sur la façon d'aborder les choses avec vous. C'est surtout ça. Est-ce que déjà vous êtes intéressé ? Ce qui fait qu'on avait... On s'est relayé d'ailleurs avec Stéphane pour en parler, puisque lui, il a une autre approche qui est plutôt... lui, il est vraiment dans le concret. Quand tu te demandes du concret, il est dans le concret. Il est pragmatique, ça je veux voilà. Dire. D'accord. C'est je suis sur le terrain, je dessine, je construis, voilà. C'est lui, il le prend par l'intérêt et le cœur, sans se poser de questions. Voilà, je rentre dedans et puis j'y trouve plaisir, j'y trouve de la joie, le fameux mot qui est aussi dans le concept. Ah. Voilà. On va y arriver à la joie. Voilà. On va y arriver. Alors attends, je finis la progression thématique annuelle, ouais, les champs de la terre, les champs de l'eau. Ça, faudrait bien expliquer, hein, parce que c'est pas clair pour tout un chacun, ça. Les champs de la terre, les champs de l'eau. Un réseau de partage sur le site web et la plateforme de travail collaboratif. Sont déjà en place. C'est ça. Oui. Alors, les résultats attendus, ça me va bien, parce que ça, ben voilà, et pourquoi on se casse la tête alors que tu as tout bien écrit ? C'est vrai, quoi. Mais c'est vrai. Ça ne sert à rien de refaire le monde, tu l'as déjà fait. Alors, un site vivant autrement que par les valeurs politico-socio-économiques, d'accord. Un site collaboratif où chaque volontaire trouve sa place. Ouais. un site où l'on se construit, où l'on se nourrit autrement et où l'on vient de loin pour cela. Une démarche partagée au niveau international, les jardins merveilleux qui se construisent ailleurs, d'accord. Tu peux en citer ? Non, je peux citer en fait mes correspondants qui attendent. Moi, je m'avais dit jardin merveilleux de Saint-Goustan. Saint-Goustan, c'est le prototype. Et en fait, on est déjà dans ce jardin, alors qu'eux, ils n'ont pas encore le terrain. Donc, ils attendent seulement d'avoir ce projet européen et de savoir comment ils vont le construire avec soit des petits, parce que ça peut être école primaire, ça peut être collège, lycée, ça peut être association de troisième âge, enfin voilà. Donc ce document-là, en fait, ils l'attendent. Bon, il y a deux ou trois chapitres qu'il faut que je rajoute dedans, parce que qui sont spécifiques, en fait, dans les partenariats européens. Et puis, mais en ce moment, ils sont complètement bouffés par le coronavirus. D'accord. Alors, 10, et plus particulièrement, un parcours pédestre générant, d'accord, des aménagements. Ouais, moi, il y a un truc qui me gêne, si tu veux, mais ça, depuis le départ, c'est l'ouverture de ton jardin à tout le monde, alors qu'il y a une responsabilité, parce que quand même le site n'est pas forcément très facile d'accès. Et donc, de ce fait, il faut que tu sois bien assuré, toi, parce que si tu fais venir du monde, même si tu veux les faire adhérer à l'association, pour que ça c'est une chose, mais il y a toujours cette responsabilité civile qui doit être bien présente dans ta tête, hein, non ? Mais tout à fait. C'était un peu le sujet sur lequel on a débattu lors du troisième projet européen, qui avait pour titre « Be my guest »,« Sois mon invité ». Oui, j'ai compris. Ouais. Ouais. Donc, en fait, c'est « Tu viens chez moi ». Ouais. Et c'est parce que c'est chez moi qu'on va pouvoir développer des trucs qui sont hors du public. D'accord. Parce que c'est privé. C'est justement ça que j'essaye de discuter, que j'essaye de faire comprendre à Stéphane. Je dis, mais ne te limite pas à ce que l'on fait dans le public. Tu es chez moi, ouvre un peu tes horizons et sors un peu de toutes les contraintes que tu auras dans le public là-dedans. Alors, ça, c'est un argument que je t'ai vu développer, je ne sais plus quand. Bon, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Auquel, à titre personnel, je pense que ça peut être très, très intéressant. Très intéressant, mais il faut bien le développer, quoi. Et il faut que ça soit bien clair dans l'esprit de tout un chacun. Alors, je continue toujours de lire ton texte, le nombre de personnes, la fréquentation du site, le nombre de participants, etc. Essaye de faire un peu moins de bruit parce que j'enregistre tes bruits. Acquisition du droit d'être mise en sécurité du site, régénération. Mise en sécurité du site, régénération des accès, observation de la dynamique actuelle locale. D'accord ? Information sur le volume. Oui. Ouais. Montage d'un projet européen Erasmus visant la création de jardins. D'accord. Préparation et réalisation des animations. Bon, eh bien, écoute, ça, il faut le faire savoir. Ah, il y en a encore. 7 sur 7. Il y en a. Ah oui, c'est l'ARIA, ça. C'est d'accord. Il faut le faire savoir. Il faut que tu communiques là-dessus, parce que là, tu as une bonne base. Là, tu as une bonne matière première, si tu veux. Tu l'as envoyé à Rodrigue, c'est ça ? Si tu l'as, oui, il doit l'avoir. D'accord. Mais je peux lui réenvoyer. Bon. Je vais peut-être m'en assurer, d'ailleurs. Hein. Attends, je vais te dire S'il était dans la liste. À qui tu l'as envoyé, là? Ça date de quand? Ben, tu viens de me l'envoyer à 15h42. Et à Roderick et à moi. Ah bon? Ah oui, tiens. C'est ce que tu viens de faire il y a un instant. C'est une erreur d'envoi, parce que finalement, oui, d'accord, ça marche. Il y avait autre chose. Tu t'es trompé, tu ne voulais pas l'envoyer? Alors, c'est pas ça. En fait, je t'ai envoyé des documents. Alors, je vais t'envoyer les documents graphiques que je voulais t'envoyer. Je me suis trompé de nom, mais c'est très bien, très bien. Super. Ah, ce que je viens de lire, c'est ce que tu m'as envoyé. Donc, comme je lisais un peu à voix haute, tu... Ah, t'as fait ça inconsciemment? Oui, inconsciemment. En fait, je t'ai envoyé les deux PDF que je croyais être les documents graphiques. Ah, d'accord. Alors maintenant, je vais t'envoyer les documents graphiques sur lesquels on a travaillé jeudi lorsqu'il a plu quasiment toute la journée. D'accord. Alors, les plans. Voilà. Esquisse 3D, plan. Ah, mais c'est un peu plus lourd, ça. Hein. C'est 1 méga 7. C'est et pas puis grave, l'autre. C'est pas grave. Il fait combien celui-là? 900. D'accord. C'est bon. Alors, est-ce que envoyer? Voilà, c'est parti. On va voir, ça passe par Los Angeles avant d'arriver chez toi. Bon, c'est bien, hein, c'est validé par Apple. Bon, là, j'étais en train de lire le deuxième fichier PDF que tu m'as envoyé avec celui que je viens de lire. Là, on est dans du concret, et tu fais un descriptif du terrain. La falaise aux petits oiseaux. Ça y est, tu l'as reçu? Ah, le deuxième, j'en sais rien, je vais te dire. Non. Attends, je vais te dire. Oui, quelques documents. Voilà. Il y a deux pièces jointes, c'est ça? Oui. Mais je vois qu'il y a trois fichiers et quatre. Pourquoi tu dis qu'il y a deux documents? Bizarre. Esquisse. Ah, d'accord. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Mais ça c'est pour Roderick. Ça va lui faire plaisir. C'est bien. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va arranger, disais-tu. Il va le rendre encore plus parlant. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Stéphane disait, pour aller voir la mairie, il fallait du concret. Donc, il faut arriver avec quelque chose, même si ça doit changer par la suite, complètement. Il faut arriver avec quelque chose qui parle. Complètement. Donc, on est venu avec quelque chose qui parle, qui est à l'échelle, d'accord. Qui montre que le projet a déjà une esquisse qui est valable, qui a un fond qui est juste. Ouais. Et donc, bah, c'est lui qui a proposé. C'est Stéphane qui dit, ben voilà, moi je vois très bien la falaise aux oiseaux dans la partie est. Le circo-reflet, parce qu'on imagine très bien que si on met un petit lac au fond, il va se refléter dans la paroi que l'on a dégagée. La verticale... Attends. Va, parce que moi, j'ai sous les yeux l'esquisse du jardin. Pas le truc 3D, l'esquisse que je comprends très bien et que je trouve très claire. Est-ce que tu veux dire que le bassin au reflet, il va être au pied du cirque? Alors c'est une proposition de sa part. Il dit, bon alors, ce qui l'intéresse en fait, c'est l'eau. Ouais. Il faut qu'elle apparaisse. On a sur le bord de ce cirque la source, ouais. Dont on pourrait déjà remonter un peu les eaux. Complètement. À ce niveau-là, et il m'a dit, on peut même se faire un essai, puisque, tu sais qu'il était, c'est un ancien coureur de voilier, c'est-à-dire qu'il faisait des courses à la voile, d'accord. Et puis il a eu un accident, et du coup il ne peut plus courir, mais c'est toujours un passionné, Et il a gardé du matériel, dont notamment les pompes de relevage et un panneau solaire qui permettrait de... Tu vois. D'accord. Donc on peut s'essayer. Par contre, d'accord. C'est vrai qu'il faudrait un bassin pour récupérer cette eau. Quoi. Pour l'instant, elle tombe dans le gravier. Puis... Oui, mais là, c'est une première remontée. Voilà. Parce qu'après, si j'avais bien compris, tu envisageais une deuxième remontée vers le haut du terrain, l'espace des contes, des jeux et des rencontres. Hein. Alors, on a... lui, il dit première remontée, le reflet, le circo-reflet. Tout à fait. Et puis, deuxième remontée sur les jeux de la source. C'est-à-dire qu'il y a la partie ouest, la partie est, où on peut montrer à tous ceux, en fait, qui sont sur la route, ce qui se passe, ce qu'on peut faire avec de l'eau, à cet endroit-là. C'est légèrement en pente, là, et ça s'en va vers l'escalier. Tu vas arroser Sylvie, alors. On peut arroser Sylvie, en fin de compte, oui. On verra. À ce moment-là, elle sera très contente, d'ailleurs, parce que c'est vrai que... Bon, elle a quand même des toits, hein, pour récupérer des eaux. Hein. Mmh. Bon. Mais c'est vrai que pour aller jusqu'au bout, c'est pas elle qui va installer le robinet, donc il faut qu'elle prenne son arrosoir, c'est... Bon, elle a repris des forces, là, j'ai pu la croiser plusieurs fois pendant cette semaine, et ça fait plaisir à voir, parce qu'il y a un moment, elle est restée quasiment un an enfermée dans sa maison. Ah oui, d'accord. Je change de sujet, je reviens à la porte, oui. Et avec ce chemin sinueux qui va nous permettre d'arriver sur l'espace des contes et des jeux, et ça c'est bien, ça c'est concret. Voilà, on y arrive, Philippe, on y arrive. Ça, c'est bien. Bon. Et alors, pour l'instant, c'est en pointillé, ça veut dire que c'est à créer, ça. Hein ? Oui, c'est... T'as juste amorcé une petite ouverture vers le parking de stationnement. Voilà, alors... C'est par rapport à ça, en fait, ces documents qui permettent de, en gros, de réfléchir et d'appâter, on a parlé concret avec, ben, je l'ai mis hein, dans la lettre, hein, c'est d'abord les limites. Moi, j'ai trois quarts de mon tour de propriété qui est limitrophe au public. Oui. Donc, il faut vraiment travailler en bonne confiance et cohérence ensemble. Là-dessus, et notamment dans la partie quai 9, appelée aussi quai d'enfer. Ouais, ouais. Je ne sais pas si tu as intérêt à trop broder là-dessus, si tu veux. C'est-à-dire ? Vis-à-vis des autorités, ce n'est pas forcément un quai d'enfer. C'est un espace aussi... utile pour gérer les véhicules, pour faire du stationnement. Oui, mais en tout cas, ils sont tout à fait d'accord. Enfin, avec ce, moi, j'ai abordé le sujet tel quel. C'est pas pour vider les voitures. C'était en fait pour dire, ben voilà, quand il va se passer quelque chose de super intéressant à cet endroit-là, peut-être que ça sera le moment de faire passer le fait que, ben, à l'entrée, on limite le parking à un peu plus loin. C'est tout. Mais pour l'instant, ce n'est pas faisable puisque ce sont les restaurants et les bars et tout le port sud qui gèrent. Est-ce qu'ils savent combien de voitures passent là tous les jours ? Est-ce qu'ils le savent ? Tu leur as posé la question ? J'aurais pas posé la question. Bon. Parce que ça, c'est intéressant parce que si des voitures passent, il y a des gens dans les voitures et si tu sais interpeller ces gens. Tu peux rendre ta démarche encore plus crédible. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as des spectateurs potentiels, quoi. T'as un réservoir de clientèle, comme on dit en marketing. Ben, on l'avait, parce qu'à partir du moment où on a travaillé à nettoyer un peu les falaises, voilà. les gens ils s'arrêtaient et ils posaient des questions. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc voilà, ça c'est intéressant. Je reviens sur les deux mails là que tu viens de produire. C'est deux mails avec deux fichiers, deux pièces jointes, hein, chacun. Oui. Non, parce que j'avais cru comprendre qu'il y en avait plus à un moment donné. Non, non. Il y en a deux, deux fois deux. Il y a les deux premiers que je t'ai envoyés Oui. qui sont des écritures Oui. et les deux derniers qui sont des graphes. D'accord. Alors, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir ce qui peut être fait avec ce que tu appelles les écritures. Parce que ça, c'est concret. Ta fiche de projet. Voilà, je suis sur la fiche de projet. Qu'est-ce qui manque? Ben déjà, j'aurais mis le Jardin Merveilleux à Saint-Goustan ou à Auray. Déjà, pour le situer géographiquement. Pour celui-là, mais pour un projet européen, c'est le Jardin Merveilleux, c'est Ah pas un oui, Saint-Goustan. d'accord. Oui, d'accord, ok. Donc là, c'était ses visions générales. Oui. Parce que Et après ça, oui. l'idée que j'ai et qui pourrait être intéressante à exploiter, c'est prendre ce texte-là, qui est très bien fait. Et là, je te reconnais bien, parce que quand tu veux être concret, t'es concret. Et là, tu le démontres. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire de ce texte? Moi, je l'aurais donné aux journalistes. Est-ce qu'elle l'a, la Catherine, là? Il faudrait que je vois. Je sais pas. Parce que, si tu veux, la journée, elle va parler de quoi? Qu'est-ce que vous avez évoqué ensemble? Qu'on a évoqué? On a évoqué en fait ce projet, mais je ne lui ai pas donné la fiche, je l'avais pas. On a évoqué la grande lessive. On a évoqué ce qui avait été échangé avec la mairie. D'accord. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Entre ce dont on parle et puis ce qui est retenu après ça par la rédaction, il y a toujours, non pas un fossé, mais il y a une belle une différence. Oui, mais c'est pour ça que... Alors, moi je te donne, pour éviter cet écueil, et j'ai beaucoup discuté avec les journalistes, etc. Et la bonne façon de faire, c'est que tu leur prépares un dossier, écris, et tu brodes autour quand tu les rencontres. Mais ils repartent avec un... Ça s'appelle... Hein, c'est pas un comité d'information, mais un... Bon, ils repartent avec le message que tu veux faire passer. Oui. Et là, ça évite l'écueil que tu évoquais à l'instant. À mon sens, là, ça... Et puis ça peut l'intéresser, parce que c'est vachement vivant, quoi. Moi, je pense que ça... Ce texte-là, tu ne peux pas le laisser au fin fond de la mémoire de ton ordi. Il faut le sortir et le faire connaître. Ah oui, ça s'appelle le document dont je parlais. C'est un rédactionnel de presse. Voilà. Oui. Tu rencontres la presse, moi, piégé, hein, parce que moi aussi j'étais piégé, je leur dis des trucs, etc. Ils en entendent d'autres. Et puis, comme tu dis, la rédaction prend encore autre chose. Et derrière, le message est complètement dénaturé. Donc, un rédactionnel, ça c'est bien. Ben, parce que là, maintenant, elle va faire son truc, la fille. Ça va lui être difficile de revenir sur... Ben, elle m'a dit, c'est fait, c'est envoyé. Oui. Non, mais je pense que c'était. Comme j'ai. En fait, c'était très frais. C'était fiable. Il y avait des dates à retenir pour la grande lessive, elle les a notées. Moi, je les ai remises dans la lettre que j'ai envoyée. Je ne fais pas trop de soucis là-dedans. C'est Oui, plutôt mais... il faut que ça rentre, en fait, en gros, dans un document qui fait le quart d'un A4. Alors, ça fait pas grand-chose, quoi. Oui, ça fait pas grand-chose, mais si tu lui donnes la matière première, d'abord, tu auras plus que le cadre d'un 4, et c'est toi qui auras choisi les mots, et elle te recopie. Et Est-ce là, que... c'est ça. En fait, ça lui occasionne ce genre de document. Ça occasionne plus de travail pour elle. que le fait de mettre juste en clair les notes qu'elle a prises, hein, c'est tout. C'est long, hein, il faut lire. Hein. Oui, mais je partage pas du tout ton aspect de la communication. Ça, alors, ça lui occasionne plus de travail, oui, mais c'est son métier. Hein. Son métier, c'est effectivement de rassembler des informations. Et là, tu en as plein des informations. Tu en as plein. C'est très pertinent. C'est ça qu'il faut... Bon, je sais pas, moi, à ta place, c'est ça que je ferais passer comme message. Bon. Est-ce que tu connais d'autres journalistes qu'elle ? Non. En tout cas, sur l'Ouest, non. Sur l'Est, oui, mais pas sur l'Ouest. Je ne sais même pas. Enfin, Ouest France, je connaissais, mais tu m'avais parlé du Télégramme, c'est ça ? Un truc comme ça, non ? C'est le deuxième truc, le deuxième média. Médium, pardon. Qui existe et qui est très lu, quoi. Mais tu peux pas le lire sur Internet. Ah oui. Ou, à moins d'être abonné. Alors que si tu n'es pas abonné... Ah, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Bon, alors maintenant, il faut que je réussisse à te convaincre. Mais j'ai peut-être le moyen. Attends. L'autre jour, tu me disais que tu avais été chercher Black Belair sur Internet. Oui. Et que tu avais vu les quelques lignes que je mettais d'annonce comme quoi je faisais de la création de sites Internet. Oui. Il y avait un petit rédactionnel avec, pas méchant, voilà. Bon, eh bien, maintenant, je l'ai changé, ça. C'est d'ailleurs, c'est de ta faute, si je l'ai changé, parce que, comme je t'ai dit, je ne veux plus faire de site internet, sauf occasion exceptionnelle, je veux faire des podcasts, et moi, je veux rencontrer des gens pour faire des podcasts. D'accord. Et j'ai fait... Et je t'invite à y aller parce que peut-être, comme je l'ai fait ce week-end, va sur Internet, va sur Google. Alors, et je vais taper Black Belair. Et tape pas Black Belair parce que tu vas peut-être pas, il l'a peut-être pas encore enregistré. Alors attends, parce que comme moi je me sers rarement de Google, j'ai Henri. Hein? J'ai Henri. Ah ouais, Henri c'était mon grand-père. Édouard. Édouard, c'était un autre grand-père. Oui, parce que ma grand-mère aimait beaucoup les hommes. Alors, qu'est-ce que... Voilà, ça y est. Alors, j'ai la série de photos, j'ai l'invitation à Facebook, tu as aussi un truc sur LinkedIn. Ouais, mais ça, c'est des vieux machins. Alors, attends, je regarde ce que tu vois. Tu as tapé Black Belair, hein ? Ouais. D'accord. Voilà, là. Je regarde. Pinterest. Ouais, ça y est, ça y est, ça y est. Alors, t'as juste tapé Black Belair, ok ? Oui. Tu as, donc, première proposition, Henri Black Belair, d'accord ? Deuxième... Oui, mais là, j'ai mis Claude Black Belair, j'ai pas mis Black Belair. Au début, j'avais mis Black Belair, mais en fait, tu n'apparaissais pas. Donc, j'ai rajouté Claude et maintenant... Alors, tu as rajouté Claude. Alors, je vais rajouter Claude, parce que moi, quand tu mets que Black Belair, tu arrives... Oui, on tombe Henri, oui. Alors, attends, on va faire ça. Allez. Ah oui, là... Ah ben non, c'est plus si bien. C'est plus si bien. Retourne en arrière et mets que Black Belair. Non, mais parce que là où je veux t'emmener, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le... Quand tu mets que Black Belair avec un espace hein, entre Black et Belair, d'accord ? Oui, oui. J'ai Henri, famille. Édouard. Et est-ce que tu n'as pas une carte ? Une carte ? Oui. Une carte avec Quiberon, éditeur, créateur, etc. Alors, il faut que j'aille sur la deuxième page, alors peut-être. Ah non, non, non, non, c'est tout de suite là. Non. Tant que tu l'as pas. Non. Bon, alors. Le premier, c'est Henri. Oui, oui, non, mais je te parle du deuxième ou troisième item, moi. Henri, famille, Édouard, Édouard, Édouard, généalogie, François, Charles, d'accord. Édouard, bon, Henri. D'accord, d'accord, là, tu as toute la famille Black Belair. Bon, et alors tu vas taper Black Belair, créateur de podcast. C'est juste un exemple pour te montrer. Voilà, alors là, tu as les petites cartes. Quelles petites cartes ? Alors, j'ai podcast, hein. Au fil de l'eau. D'accord. Et, mais ouais. Est-ce que tu as un premier item qui s'appelle C'est Black Belair, deux points, créateur et éditeur de oui. podcast gratuit ? Tu l'as, ça ? Clique oui. dessus. Salut Philippe, salut Claude. Ah, salut. Salut mon ami. Comment vas-tu, Rodrigue ? Ça va, ça va. Ça va. Bon, j'ai alors. Encore que je dois arrondir, mais je suis parfois prisonnier, comment dire. Bon, ben ça va, tu t'es libéré là. Hein ? Excusez-moi. C'est pas grave. Alors, pendant que tu parles, pendant que tu arrives, excuse-moi, Rodrigue, on a fait le point sur le voyage de Philippe, il nous a envoyé des documents concernant le concept, parce qu'il a fait le boulot, hein, sans même qu'on ait à intervenir, il a fait tout le boulot, et donc il nous a envoyé un fichier qui s'appelle le fiche de projet du Jardin Merveilleux, et alors, il y a tout là-dedans. Excellent. Bon, mais... Hein. En un mot, Philippe, tout s'est bien passé avec la commune. Ah non, j'ai chopé le Covid. Non, c'est pas vrai. Ah. Je l'avais déjà eu, donc. Et d'ailleurs, là, Madame le maire était aussi, avait déjà eu le Covid, donc on était à l'aise. Mais on n'était pas à l'aise vis-à-vis de ceux qui ne l'avaient pas eu, qui étaient dans la salle aussi, hein, bien entendu. Ah, ouais. Mais bon, ça s'est très bien passé. Je crois que ça a été un des... Ça a été... C'est un probablement le séjour où il y a le plus de choses qui ont bougé, puisque j'ai pu rencontrer la mairie alors que ça fait 3 ans que j'essaye de les avoir, mais en fait il y avait toujours quelqu'un qui changeait. J'ai eu affaire au premier maire qui m'a dit je suis intéressé, puis ensuite il a été viré par son conseil municipal. Et après ça, j'ai eu affaire au deuxième qui m'a dit « je suis intéressé ». Et puis après ça, il y a eu les élections et il a perdu, donc il n'est plus là. Donc c'est la troisième et c'était la bonne puisque c'est une maire écologiste. Donc, donc là, on est sur les bonnes, je dirais, la bonne route. Est-ce que... Il y avait un pas des discussions délicates au sujet de la laïcité et puis des principes de la République française, que tout ce qui est religion ou un peu des côtés-là, est-ce que ça n'a pas posé problème ? Non, parce qu'en fait, dans le... Là, je t'ai envoyé, tu as dû recevoir par mail 4 documents. Il y a 2 documents écrits, dont un qui s'appelle DEF2 Proge JM, c'est en fait le projet qu'on avait déposé à ARIA. Donc tu l'as déjà, normalement. Ah, oui, tu l'as déjà. C'est celui qu'on a validé. Et c'est celui que, finalement, Claude vient de lire et qui découvre bien. Mais toi, comme tu as participé à l'Assemblée Générale d'ARIA, finalement, tu l'avais, ce document. Voilà. Ouais, mais Rodrigue, si tu l'avais, hein, c'est dommage que tu ne l'aies pas sorti plus tôt. Oui, je vais te lire. Mais merci, Philippe. Je ne vais pas te retenir pour inutilement à ce sujet. Excuse-moi. Ah, mais. Sur quel sujet ? Non, mais juste en deux mots, comment ça s'est passé avec la commune, puisque ici, la commune où j'habite, il y a tellement des hauts et des bas aussi qu'on ne sait jamais oui. à quelle sauce on est mangé. Ou ben alors, en gros, des choses que je n'ai pas mises sur la lettre que j'ai envoyée, la lettre du 25, que tu as dû recevoir aussi, c'est que le débat était très amical. Amical parce que, en fait, pendant la campagne des municipales, je leur avais déjà envoyé des documents qui les avaient intéressés, mais ils étaient très pris par leurs élections. Donc, ils m'avaient juste répondu comme quoi ils allaient reprendre contact avec moi après que les élections soient passées. Et c'était mieux comme ça, parce que finalement, elle a été élue, mais elle pouvait très bien ne pas être élue. Donc, voilà. Donc, c'était... ça nous intéresse, mais on verra ça après les élections. Et puis après ça, c'était... et ça reste encore la question, c'est qui va être notre interlocuteur privilégié à la mairie. Parce qu'en fait, ils sont tous concernés et tous intéressés. Ah. Et ça, discuter avec 20 personnes, c'est pas possible. Voilà. Positif, non, mais c'est bien ça. C'est bien. J'ai eu affaire en fait au maire et au premier adjoint et à l'adjoint chargé des travaux, qui en fait passait dans le couloir et puis quand elle a entendu, elle m'a dit « est-ce que je peux me joindre ?» Donc elle est venue. Donc c'était bien. Ah, ouais. Et en fait, ce qui... ça maintenant, c'est à eux, à l'interne, d'essayer de motiver toute l'équipe, c'est-à-dire y compris ceux qui sont en bas, notamment les agents de service, les agents de voirie et tout ça. Mais en fait, ils sont déjà, parce que comme ils passent assez souvent sur le quai 9, ils sont passés avant et après notre débroussaillage, et ils sont pas... Ça les a absolument pas dérangés. On s'est salués, tout ça. Enfin, c'était très bien. Ils se sont pas énervés parce qu'on salissait la route. Hein. Ça les gêne pas parce qu'en fait, eux, ils fonctionnent avec des moteurs, contrairement à nous. Eux, ils sont assis dans leur siège et puis faire passer la voiture dans un sens et dans l'autre, ça les dérange pas. Ce qu'ils n'avaient pas voulu, en fait, qui a fait que j'ai réussi à avoir ce terrain... c'est qu'ils ne voulaient pas monter dans les falaises pour faire eux-mêmes ce travail. Donc finalement, ils sont très contents comme ça. Chacun a sa place, voilà. Oui, excellent, félicite. Mais c'est très positif, c'est mieux que je croyais qu'avec ces municipalités. Alors ce qui est bien aussi dans la positivité, c'est l'avancée de Stéphane. Stéphane Bonvin, qui est architecte, et avec lequel on a pu monter justement les différentes pièces de ce dossier, puisqu'il a pris en main la partie graphique. Moi, j'hésitais à revenir, j'ai été formateur sur AutoCAD, mais en fait, ça m'a bousillé les yeux, et je ne me voyais pas recommencer à faire ce genre de travail de modélisation 3D et tout ça. Donc j'ai fait la partie de terrain qui lui a permis, c'est-à-dire les levées nécessaires qui lui ont permis de faire justement ces modélisations en 2D et en 3D. Donc il est très content parce qu'il a tout en main maintenant. Ah, excellent. Donc ce qu'il va faire maintenant, c'est affiner et faire quelque chose d'un peu plus précis. Le plus précis que l'on puisse faire, ça serait de louer un GPS pour pouvoir relever tous les points du terrain en altitude et en position, quoi. Mais faire ça en GPS, il y a un moment où il y avait moi j'étais en liaison avec une firme qui s'appelle Topo Center, et chez Topo Center, ils louaient ce genre de GPS. Le problème, c'est qu'ils sont à Nantes maintenant, et il faut quand même venir, quoi, depuis Nantes. Et la location d'un GPS, c'est 150 € par jour. Ah, voilà. Donc c'est pas donné, quoi. C'est pas donné. Oui. Mais finalement, à travailler sur le terrain, on s'aperçoit qu'on n'en aurait presque pas besoin. Parce que on a vraiment mis en évidence à ce séjour la part importante de la végétation dans la topographie de ce terrain. C'est-à-dire que si tu cherches à savoir le relief des rochers qui sont en dessous, tu risques de ne pas le savoir. Par contre, le relief que tu vois sous les yeux, c'est la végétation. Et la végétation peut être épaisse de 0 à 1,50 m. Là, c'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. Ah oui, oui. C'est ce qui fait que le jardin est vraiment suspendu, c'est-à-dire ça ne tient que aux racines et aux ronces, aux lierres qui sont sur place et qu'il ne faut surtout pas enlever. C'est un peu dans la lettre ce que je mets en coupe-coiffeur, c'est-à-dire on y va pour aménager, mais attention, on n'enlève pas. Voilà. Voilà où on en est. Oh, magnifique. Oh, félicitations. Donc l'avantage, c'est que ça y est, maintenant, Stéphane est lancé dans l'imagination et la création, donc on va évoluer à distance ensemble. D'habitude, lui, il attendait que je sois là pour faire quelque chose, mais maintenant, il a de la matière, et il a l'envie de le faire. Donc c'est bien. Est-ce que la commune peut te procurer des cartes détaillées dans les plus petits... on en a. Ouais. Sur Internet, en fait, on a pas mal de choses qui peuvent être trouvées sur Géoportail, il y a des sites d'archives qu'on peut trouver. Et puis, il y a les archives municipales sur place que l'on peut consulter. Mais en fait, maintenant, pratiquement tout est numérisé et tout est consultable à distance. Donc, on pourra savoir... Il a tout de suite trouvé, d'ailleurs, Stéphane, quand il a cherché à modéliser, il a trouvé des photos qui datent et des documents qui dataient d'il y a un siècle. Quoi. En gros, c'est ça. Donc, ça prouve que ça se trouve. Mais lui, étant complètement dans la partie encore, en tant que jeune professionnel, il sait où trouver les choses. Quoi. C'est ça qui est chouette. Ah, formidable. C'est bien. C'est utile. C'est-à-dire que chacun trouve sa place. Moi, je ne veux plus tout faire. Et il y a un moment où j'ai fait ça dans des projets parce que y en a qui se comportaient comme des wagons à traîner tout le temps. D'ailleurs, on en a discuté tout à l'heure avec Claude. Au bout d'un moment, on est fatigué en tant que locomotive, faire toujours ça. Et là, maintenant, il y a deux locomotives. Et puis avec vous, peut-être, ça va faire quatre. Parce que la locomotive sur les idées et la recherche de fonds, c'est super important. Ouais. Pour moi, c'est essentiel. Oui. Non, bien, bien. Mais quelle malchance qu'il n'y avait que de la pluie, j'ai compris. Non. On a eu une journée de pluie intense jeudi, et c'est la journée qui nous a permis justement de monter le dossier pour la mairie. Mais tout le reste, il a fait bon. Hein. On s'est fait un petit peu mouiller de temps en temps. Mais les derniers jours, il faisait froid, mais il faisait beau. Ah, ça, c'est très bien. Ah. Et, d'ailleurs, j'ai Catherine qui a fait le reportage pour Ouest France, qui a fait des photos alors que j'étais suspendu au-dessus du vide dans le cirque. Là. Je les ai reçues ce matin, donc je pourrais vous en envoyer quelques-unes. Et tu t'attaches à des cordes et tout ça? Ah oui, je sais bien. Sylvie me dit « Mais tu n'as plus l'âge pour faire ça. » Elle me dit « Si, moi ça me plaît. » Wow, c'est pas sans danger, hein, ce genre de jeu. Non, mais c'est un peu... C'est aussi pour répondre un petit peu à Claude qui disait par rapport au public, les assurances, la responsabilité et tout ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais que pour l'instant, il n'y a aucun public qui peut rentrer comme ça sans que j'en sois averti ou sans qu'il passe par la couverture d'Aria de The 2D. Il faut que ça soit couvert, tout ça. Hein. Oui, très important. Hein. J'avais dit aussi, j'ai rappelé que c'était pas d'enfants et pas d'animal sur le site parce qu'on ne les tient pas, les enfants. Hein. Ils ont vite fait de se retrouver en bas. Oui. Ah non, mais ça, c'est un chapitre très important. Oui, mais je ne crois pas que tu maîtrises, que vous maîtrisez bien tout cela. Il y a une chose que je garde précieuse, que j'étais le seul à voir, c'est lorsque j'étais suspendu à la corde pour travailler sur le haut du cirque, c'est de m'apercevoir que là où était Stéphane, Il était au-dessus pour faire le deuxième et assurer. Là où était Stéphane, c'est large de à peu près 70 cm, ben, il n'y avait en gros que 30 cm de rocher. Tout le reste, ce sont des racines. C'est tout. Donc en fait, il était lui-même au-dessus du vide, retenu seulement par la végétation. C'est pas vrai. Oui. Mais c'est comme ça que petit à petit, en fait, on s'aperçoit que sur le terrain, c'est un peu ce que je disais à Claude, vous êtes chez moi. Le dernier sujet de projet européen, c'était « Be my guest », « Sois mon invité ». Et on avait un peu travaillé là-dessus. Et ben là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine privé. Les normes publiques, à la rigueur, on n'en a rien à faire. C'est du domaine public. Les modèles de calcul et tout ça, Stéphane, je lui ai dit, ben, on peut faire une passerelle en bois, quelque chose qui tienne à des concepts qu'on n'a jamais imaginé jusqu'à présent. Que ça tienne sur des arbres vivants et que ça se développe sur des arbres vivants, peut-être pas. Mais il n'y a pas de normes là-dessus. Il n'y a rien. Oui, c'est bien ça. Donc, il était tout le temps en train d'imaginer la passerelle. Une passerelle qui serait... tu n'as pas vu le terrain, mais Claude, il l'a vu un peu... par contre, ce que tu peux faire, c'est ouvrir le document graphique que je t'ai envoyé. Il y a un document graphique où il y a un plan. Et comme ça, on voit mieux la situation de la porte. Je regarde vite. Ah oui, tu as le temps. C'est vrai que toi, tu n'es pas retraité, mais nous le sommes, alors on a le temps. Je vois deux PDF en effet. Alors, il y a deux documents. Il y a un truc, c'est marqué esquisse 3D et l'autre, c'est esquisse. Tu ouvres esquisse. Sans ça, je peux aussi l'ouvrir et puis le partager en écran. Il y a un PDF en deux pages. Ah non, mais ça, c'est le descriptif du jardin. Oui, c'est dans le deuxième envoi. Tu as dû recevoir ça. Pour ça, je peux faire, moi, laisser le... Non, mais je regarderai dans un petit moment, tranquillement. Puisque moi, voilà. On reste un peu plus loin... Je fais ça sur un téléphone mobile, c'est pas évident. Ah oui, alors attends. Et là, tu es sur ton ordinateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Voilà. C'est ma femme, de Mike. Oh. C'est iPad, comment dire, c'est mieux quand c'est petit téléphone. Mais bon. Voilà. Ah oui, magnifique. Donc en fait, tu vois l'écran. Oui, je vois. Vois le dessin. Oui, ici, on a la petite porte, là, l'accès. Oui. Et en fait, cet accès donne, après en gros un mètre, donne sur la falaise. Et donc, quand on parlait de faire justement jardin suspendu, voire pont suspendu, ou passerelle suspendue, lui disait, on va la faire un peu en travers, un peu pour élargir le chemin, qui est vraiment très, très étroit à cet endroit-là, ce qui fait que les personnes qui seraient dessus seraient quasiment au-dessus de ce qu'on a appelé le cirque au reflet. Oui. Cirque au reflet qui est là. Alors, je me répète un petit peu par rapport à tout à l'heure. Le cirque au reflet, c'est une proposition de Stéphane qui disait, si on met de l'eau là, le soleil va se refléter et va faire des reflets sur la paroi rocheuse qui est derrière. Ça risque d'être très vivant, comme ça. Et c'est bien, ça. Ouais. Donc, il y a de l'idée. Mal, ça. Ah. Alors, il se trouve que la passerelle... Est-ce que tu vois quand je bouge la... Oui, je vois. Voilà. La passerelle qui serait ici, en fait, en dessous, il y a plein d'arbres que j'ai déjà taillés, et des arbres qui ont entre 5 et 10 cm d'épaisseur et qui tiennent très bien à la roche. Ce qui fait qu'on peut, ils sont vivants, mais on peut asseoir, en fait, une passerelle en bois qui porterait dessus. Mais porter sur des arbres vivants, ça ne se fait jamais. Non. C'est pour ça que, en fait, autant dans le domaine privé, on peut se permettre ce genre de choses, autant dans le domaine public, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Donc ça ouvre, en fait, le champ des possibles, le fait d'être dans le domaine privé. Ah oui, oui, oui, oui. Très clair. Mais quel excellent dessin. Ah, il a bien bossé. Hein. Là, lui, il a bossé sur le graphique et moi sur l'écriture pour préparer ça. Alors, il y a un autre endroit qu'on a appelé la porte. C'est on disait la porte basse pour pouvoir monter dans le jardin. Oui, c'est clair. Et il y en a qui disaient, oui, mais alors, il y a plein de gens qui stationnent devant. Mais en fait, je me suis aperçu que devant, il y avait une interdiction de stationner déjà préexistante à cause de la station de relevage qui est juste en face. Donc il y a déjà la ligne jaune qu'il faut repasser seulement à la peinture, c'est tout. Donc l'interdiction de stationner, elle existe déjà. Oh, mais que c'est une bonne nouvelle. C'était ma crainte, en effet, aussi. Voilà. Ouais. Donc il y a des petites... en fait, on a eu plein de petits clins d'œil au cours de ce séjour, et ça a été vraiment très chouette. Magnifique. Ah, excellent, Philippe. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce plan, si tu le vois bien? Non, à ce stade, non. Il y a peut-être une toute petite question maintenant que je vois le plan, c'est le chemin, là, le chemin depuis la porte en bas. Et, ici un zigzag, et puis juste en dessous, c'est marqué là, où le petit pointillé s'arrête, c'est un petit mur, je pense. Hein, non, il n'y a aucun mur. Il n'y a aucun mur, il n'y a que des talus. Des talus en terre et recouverts de végétation. C'est un talus, c'est une pente. C'est ça, oui, exactement. Oui, ouais, voilà. Ouais. Ah, d'accord. C'est tout. Il n'y a aucun mur. Si, si, le seul mur avec qui existe, le voisin. Il est en haut. Ah, oui. Donc, ce qui va se faire très prochainement, c'est la mise en place d'une convention de voisinage bienveillant avec la mairie pour la gestion du bas. Parce que probablement qu'il n'y aura pas d'autres arrêtés d'alignement, c'est-à-dire de documents publics officiels, parce que ça risque de coûter cher. Et surtout, la dernière fois qu'ils l'ont fait pour la rue Neuve, ici, concernant le mur, en fait, l'arrêté d'alignement aboutit au fait que le mur m'appartient à moi, mais que c'est la commune qui en a la charge d'entretien. Donc, ça ne les arrange pas du tout. Et si c'est comme ça en bas, tout aussi bien, la falaise m'appartiendra, mais ils risquent d'en avoir la charge d'entretien. Parce que la falaise est au-dessus, peut générer des problèmes vis-à-vis de la route. Quoi. Ah oui, oui. Ouais, c'est un peu le risque. Donc, sans doute qu'il n'y aura pas d'autres arrêtés d'alignement. Et ce qui va se faire, c'est une convention de bon usage avec eux. Donc, à discuter. Pourvu qu'ils sentent l'obligation, pour avant qu'ils foncent quoi que ce soit, c'est de te contacter. Voilà, c'est ça. Puisqu'avec les communes, ils font souvent ce qu'ils veulent. C'est surtout que, pour avoir travaillé avec eux très souvent, ils ne savent pas travailler autrement qu'à travers des engins, des moteurs. Donc c'est toujours, y compris le balai, il n'y a plus de balai, maintenant c'est le souffleur de feuilles. Pour débroussailler, ce sont les débroussailleuses ou débroyeuses, donc c'est toujours du travail grossier qui est fait. Ouais. C'est bien dommage. Donc ils le savent, ça on leur a dit que c'était du travail maintenant qui était orienté vers le développement de ce jardin merveilleux, donc que ça ne se faisait pas à la machine. Oui. Clair. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, j'ai rencontré le fameux Jean-Marc Simon, qui est venu me voir. Oui, comment ça s'est passé? Alors, lui, il était venu dans l'optique, je l'ai compris un peu, de trouver un nouveau client pour lui acheter des trucs. Donc, je l'ai amené. N'empêche que sa toile, elle n'est pas donnée. Hein. La petite toile sur laquelle on a réfléchi, il la vend 1 500 €. Hein. C'est pas rien. Hein. Bon, vaut mieux l'avoir en photo. Hein. Bon. Il a pu donner des nouvelles explications. Oui. Alors, par rapport à ce que je vous avais donné comme descriptif, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Pour lui, c'est le parcours des migrants. C'est tout. Donc, les migrants qui se heurtent à un mur dès qu'il s'agit d'aller vers un mieux-être, donc mur en bas, et puis ensuite l'escalier qui est en fait, comment dire ça, l'escalier accueillant et l'autre... Un vrai calvaire, quoi, en gros. Ouais. Et puis après ça, encore une muraille avec une porte seulement entrouverte pour un meilleur qui est juste derrière. Tu vois, il n'y a même pas de notion d'Adam et Ève, il n'y a rien. Pour lui, en tout cas, il a dit, moi, je suis agnostique athée, donc il n'y a pas du tout de ça. Par contre, il a eu une formation primaire chez les jésuites, alors il a repris des idées d'alors. Quoi. Et comme c'est déjà une personne d'un certain âge, donc c'est vraiment très vieux. Quoi. Mais il n'a pas du tout cherché dans les Écritures, ni dans la Bible, ni quoi que ce soit. Hein. Oh, quelle surprise! Il n'y a pas du tout pensé aux migrants, là, mais bon, c'est... Alors ça s'est bien passé aussi, alors, positif. Oui, alors il m'a dit en plus que il connaissait la plupart des artistes qui étaient dans la rue du Château, là, celle qui est à Auray, et il me dit, mais si tu veux faire une exposition à cet endroit-là, tu leur demandes, ils seront tous partants pour sortir un petit peu de leur casemate, là, qui est un peu enfermée, et de venir dans un endroit aussi joli, aussi beau, tous les gens qui passent maintenant, ils s'arrêtent. Ils regardent le paysage et ils s'arrêtent. Et... positif aussi, hein. Donc il y a de quoi faire, il y a de la matière. Waouh. Ah, mais magnifique, tout ça. Vous avez pu vous voir, vous deux, quand c'était de passage, là. Tu as pu voir Claude ou... Oui, on s'est vu à trois reprises. J'ai eu du mal à le reconnaître au début. Avec le masque, il ne me reconnaissait pas, mais ce n'est pas grave. Il y avait le masque et le bonnet. Alors, on voyait que les yeux, c'est qui se tue qu'on reconnaisse, là. Oh, excellent. Mais je n'aurais pas reconnu Michaela. En plus de ça, heureusement que... Elle a baissé un peu son masque, alors du coup, elle s'est fait alpaguer par son mari. Elle dit, remets-moi ce masque en place. Mais Claude, vous deux, vous n'avez pas eu le Covid Non, et on ne veut pas l'avoir. C'est pour ça qu'on fait extrêmement attention. Oui. C'est ça. Bon, alors, ça va, on peut reprendre nos travaux. Excuse-moi, Claude. Mais c'est pas grave, c'était bien, et il fallait te tenir au courant. Alors, je reprends, hein, on est d'accord, Rodrigue, je peux reprendre, là, parce que je vois que l'heure tourne, et puis, donc, il va falloir, on ait d'autres activités, en tout cas pour moi. Ah, tu l'as édité. Je l'ai imprimé. Tu l'as édité, voilà. Bon, alors, moi, juste avant que tu arrives, Rodrigue, on était Philippe et moi sur Google, et je lui montrais quelque chose qui pouvait me paraître intéressant. Je m'explique. Philippe a produit un texte, hein, qui s'appelle « La fiche de projet du jardin merveilleux ». ce texte-là, on peut peut-être le remanier un tout petit peu. Il peut servir. Pardon ? Non, non, mais on ne le voit pas, hein. Ça recommence. Quand je le présente, en fait, Skype ne garde que le personnage et le fond, mais il ne garde pas ce qu'on présente. C'est ça qui est marrant. Bon, alors, j'expliquais à Philippe, avant que tu arrives, que ce texte-là pouvait être mis en valeur. Et un bon endroit pour le mettre en valeur, c'est de créer une... business site, si tu veux noter, Philippe, business.site. Ça s'écrit comment ? Business.site. S-I-T-E. Et là, tu as possibilité de faire la promotion de ton jardin merveilleux. Alors, ah, oui. Alors. Oui. Business, c'est business site, c'est ben ça ? Oui, tu parles anglais quand même un peu, business. Oui, mais tu sais, sur Internet, on trouve tout, y compris business avec B-I-Z. Non, mais quand je te parle d'un truc Google, Google sait parler anglais, à peu près. Bon, donc, tu as accès à cette page business.site ? Alors, où est-ce que c'est ? Moi, j'ai... Best Top 10 Business Awards. Google, ça, si tu peux trouver encore quelque chose de mieux, ça s'appelle Google My Business. Google. Google My Business. En un mot. Ah oui, voilà, je l'ai. Google My Business, oui. Voilà, tu l'as. Oui. Et là, sur cette première page, ils te disent proposer à vos clients différentes manières de vous contacter. Tu le vois, ça ? Oui. Bon. Et en dessous, en bleu, tu as marqué « Gérer mon profil d'établissement ». Oui. Tu cliques dessus. Et là, ben, tu vas créer ton établissement qui va s'appeler « Le Jardin Merveilleux », mais dis bien de Saint-Goustan. Parce que des jardins merveilleux, tu en as 3 millions déjà sur Google. Et bien, alors, moi, je te propose ça. Et d'autant que tu as la matière première pour créer des postes, et ces postes, créer un poste, tu le vois là, tu le vois créer un poste une fois que tu as avancé un peu. Alors, j'ai mis les jardins merveilleux Saint-Goustan. Alors, attends, il faut tout. Avec tes trucs à écrire, là, il faut que je te déplace, là, parce que la photo... Ouais, déplace-moi, déplace-moi. Ah non, mais attends, tu ne vas pas le faire maintenant, hein, parce qu'il y en a pour trois plombes, d'accord. Là. mais si tu veux ça, et juste avant que Roderick arrive, je te montrais ce que j'avais fait comme créateur et éditeur de podcast. Moi, j'ai créé ça, aussi bien sur mon adresse d'oreille que sur mon adresse de Saint-Goustan. J'ai créé créateur et éditeur de podcasts gratuits. Parce que j'ai envie de rencontrer du monde et d'échanger avec eux. Et de faire de jolis podcasts. Alors, est-ce que ça marche ? Intéressant. Ben, ça marche. J'ai fait ça le week-end dernier. Alors, on va laisser un peu le temps. Et. J'ai fait quelque chose d'incomplet et c'est pour ça que j'attire ton attention sur le fait que si tu veux rencontrer du monde sur le site, si tu veux qu'on vienne causer avec ça, il faut que tu mettes toutes les précautions d'usage, comme quoi, pour éviter le Covid, on va faire ça, tu vas faire ça en vidéoconférence. Tu comprends ? C'est juste à noter ça. Voilà, à mon sens, comment exploiter au mieux ce texte que tu vas remodeler un petit peu pour faire une annonce de ton site. Quoi. Bon, mais ça, tu sais faire. Et là, c'est le moyen de t'ouvrir. En donnant l'adresse, bien sûr, tu vas donner l'adresse rue Neuf. Et tu peux aussi donner une adresse quai Neuf. Tu fais deux annonces. Pour le prix d'une. Et Et c'est, à mon sens, quelque chose de sympa à faire, quoi. Et ça ne te coûte rien. On n'aura pas d'adresse qui est neuve, hein. Parce qu'on est... Oui, mais enfin, toi, tu peux la créer. Toi, tu peux la créer. Google, il s'en fout. Tu peux la créer. Voilà ce que je te propose, parce que... Et là, maintenant, on va refaire un petit peu avec... avec Rodrigue, bon, je pense, Rodrigue, ça serait bien si tu relisais le texte que nous propose Philippe, qui est très bien fait, qui est très concret, qui est la réponse à notre concept. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Tout est marqué. Tout est marqué. Il faut mettre la musique. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je voyais ça comme ça. Mais bon. Voilà. Mais par contre, Rodrigue, tu peux très bien ne pas voir ça comme ça. Hein. Tu as peut-être réfléchi sur le concept. Hein. Qu'est-ce qui t'avait saisi, justement, là-dessus. Bien sûr, j'ai toute une série de choses à quoi je pense. Hein. Je ne vais pas vous déranger avec ça. Ah si. T'es là pour ça. Ah ben oui. Si tu dis rien, tu auras travaillé pour rien. Donc Non, il faut creuser, on va en avant, en arrière, un pas de côté, enfin, c'est comme ça que ça se passe, mais peut-être pour quelques points, quand je regarde, juste pour revenir à ceci, Claude, si magnifiquement fait. Au nuage. Peut-être que vous trouverez horrible ce que je vais dire, mais je pense à un musulman fanatique qui regarde vers ces mots-là et qui s'y retrouve entièrement. Je me bats avec l'idée que la phrase dans la Bible, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, c'est ce fameux texte sur il y a trois choses les plus importantes, la foi, l'espérance et l'amour. C'est pas la charité. Mais le plus important, c'est comme l'amour. Ça, c'est typique de Jésus, c'est chrétien. Je me demande, est-ce que ça, comment dire, est-ce qu'on doit tenir compte de cela ou est-ce qu'on ouvre pour tout et tout le monde avec le risque de mauvaises interprétations ou des interprétations trop gratuites de certaines choses. Puisque quand on prend le mot humilité, manifestation, amour, dépassement, ça vaut pour toutes les fois, toutes les religions, tout ce qu'on peut s'imaginer. Alors, je me demande, est-ce qu'on doit un tout petit peu avoir un entonnoir pour aller un petit peu plus vers le côté chrétien ou pas? Ce sont des choses qui me travaillent, c'est une question qu'il faudra qui a peut-être déjà été tranchée, puisqu'on ne dit rien sur Dieu ni sur Jésus, on est très wide-minded, n'est-ce pas? Alors que c'est quelque chose où moi je ne suis pas tout à fait au clair. Surtout quand on voit un peu quand même ces problèmes majeurs du monde musulman, je ne sais pas très bien si on... J'hésite à être plus précis ou pas. Excuse-moi du terme. C'est intéressant ce que tu dis là parce que effectivement tu introduis le doute dans un propos de mots. Oui. Ce n'est ni plus ni moins qu'un propos de mots que on peut ou pas transformer en concept, je n'en sais rien. Mais il est bien évident que toutes les religions du livre abordent à peu près de la même façon ces préceptes-là. Alors, Je rappelle un petit peu la notion de concept, et c'était là-dessus un peu qu'on travaillait, ce sur quoi on travaillait avec Philippe avant que tu arrives. Un concept, pourquoi faire? Un concept qui va nous mener où? Et moi, quand j'ai découvert le texte de Philippe, je me suis dit, le concept, il l'avait tout fait, quoi. Tout était prêt. Tout était prêt, il n'y avait pas... Bon, ça ne sert à rien de réinventer le monde. Mais, par contre, toi qui voulais un mode d'emploi, tu l'as, hein, le mode d'emploi. Là, il l'a écrit, hein, et de bonne façon, et bien, et accessible à tout le monde. Bon, à partir de là, puisque Philippe a fait le job, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur ce concept, travailler sur ces mots, sur ce projet, pour en faire vraiment quelque chose dans lequel on se reconnaisse bien et qui éviterait les doutes que tu viens de lever, que tu viens d'évoquer présentement. Tu sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça, Philippe, toi ? C'est la question que je me suis toujours posée. Depuis le départ, j'ai quand même une conviction chrétienne, c'est clair, que je connais ce fameux verset « La foi, l'espérance et l'amour », mais que j'ai aussi échangé avec mon ancien salarié qui est imam là-dessus, et qui disait... Dans le Coran, l'amour y est aussi, mais par contre, en fait, le gros problème qu'il y a dans ces écritures, comme d'ailleurs dans d'autres écritures, c'est l'interprétation, toujours. Et un peu comme il disait, par exemple, que le Coran avait été écrit sans accent. D'habitude, les accents donnent la valeur au mot. Donc, le même mot est là pour désigner la vie ou la mort. Et donc, là où tu mets l'accent, tu mets la mort, là où tu mets l'accent, tu mets la vie. Et il y a plein de mots qui sont comme ça. Et c'est pour ça qu'on a ces extrémismes. Mais ces extrémismes ont aussi existé dans l'histoire chrétienne. Donc, exactement. On doit être prudent, mais on est aussi pour les projets, parce que c'est un projet que je monte aussi pour tous. Tout le monde est appelé à ça. Et c'est là qu'il faut trouver les bons mots et les bonnes phrases pour qu'on soit appelé vers le beau et le bon. Voilà le truc. Qu'on soit musulman, bouddhiste ou un croyant. C'est qu'on est tous actuellement dans la même galère, quelle que soit la foi que l'on a. Et il faut que ça interpelle tout le monde. Donc là, c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut débattre. Ensemble, je ne sais pas si on va trouver des solutions, parce que des violents, il y en a toujours. C'est ça le problème. Par contre, pour un projet européen, on ne peut pas rentrer dans la religion. C'est absolument clair. Il faut avoir le projet tel qu'il est, là, le jardin merveilleux. Il n'y a aucune notion de religion. Ça s'adresse à tout le monde, justement parce que sans ça, le moindre écart qui donne à penser que on a un peu de prosélytisme à faire derrière, fait que le projet sera rejeté. Donc, il ne faut pas le montrer. Il y a le projet en tant que tel, qui est diffusé au niveau public, et puis il y a ce que nous allons mettre dedans, le fond. Le fond qu'on discute entre nous. Là. C'est-à-dire... Claude parlait de jardin en élévation, ben c'est vrai qu'on va essayer de tendre en gros vers Dieu, on va essayer de se rejoindre un peu comme la fresque de Michel-Ange. Hein. Le problème c'est que tu ne peux pas l'annoncer comme ça, même la fresque je ne peux pas la montrer comme ça dans un projet européen, ce n'est pas possible. Ça a une connotation déjà orientée au niveau religieux. Oui, mais alors, attends, je me permets de te couper, parce que je rappelle que notre travail d'aujourd'hui, c'est pour le jardin merveilleux, quel concept, pour peu importe, pour le jardin. Moi, dans lorsque je reprenais le projet que tu nous as proposé, que tu nous as envoyé là il y a quelques minutes, tout est dedans. Mmh. Tout est dedans. Bon, qu'après, on épouse plus ou moins certaines de ces idées pour les faire siennes ou pour les faire nôtres, ou les faire grandir, je dirais, avec des orientations spirituelles, avec des orientations spirituelles, c'est bien ça, c'est une bonne approche. Bon, maintenant, on est quand même en droit de se poser la question de ce jardin, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, pour les autres. Pour nous, on va le faire grandir en nous, c'est clair. Bon, mais comment amener les autres à grandir à travers ce jardin? Qu'est-ce qu'on va leur donner à respirer, quoi, sur le jardin? Qu'est-ce qu'on va insuffler pour rendre ce jardin vraiment merveilleux aux yeux du Kidam qui passe devant? C'est ça. Et c'est là que... j'en ai un peu parlé avec la mairie, hein, parce qu'ils sont assez... je dirais que les écolos ne réfléchissent pas que politiquement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un fond de respect pour la création. Ils ont tous une foi là-dedans, déjà, dans ceux que j'ai rencontrés, en tout cas. Et l'important, c'était de dire on démarre à l'endroit où on est, où en fait le peuple est. Ça me fait penser, je vous avais déjà cité ça, tu sais, avec le passage dans le désert avec Moïse. Il y en a qui se posaient pas des questions, il y en a qui se sont posés des questions, qui ont remis en question l'autorité, puis finalement il s'est passé des choses qui ont fait que il y avait une rébellion qui était menée par un certain Corée, qui finalement a été englouti par la terre parce qu'il avait aucune... Il avait des raisons de se rebeller. Il y a toujours des raisons de se rebeller contre un chef. Il y en a toujours qui en trouvent. Il y a toujours des coqs jaloux. Mais il a eu tort. Il a eu tort. C'est un peu ça, c'est-à-dire... Il faut déjà que ça soit accessible à tous, musulmans, bouddhistes ou... Et il est accessible à tous. On est dans une société laïque qui, justement, met de côté ça. Par contre, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes invité chez moi. C'est pas un domaine public. Et donc, là, on peut mettre en place quelque chose dans le domaine privé qui reste accessible à tous, pour autant être complètement rigide par les lois et les normalisations publiques. Voilà. Ouais. Donc, le musulman peut s'y reconnaître, celui en tout cas, celui qui cherche la paix et Dieu, le chrétien peut s'y reconnaître, voilà, c'est un peu ça, il faut trouver les bons arguments, mais ce sont les arguments qu'on ne peut pas développer dans un projet européen, ça c'est absolument clair. Oui, mais si on veut arriver à capter de l'intelligence qui passe devant la porte pour la ramener sur le terrain, sur le jardin, oui. Et il faut qu'il y ait, me semble-t-il, un rituel dans lequel tout un chacun se reconnaisse, un rituel écuménique, dans lequel tout un chacun se reconnaisse, avec un rite de passage, tu quittes le profane pour rentrer dans le sacré, et à partir de là, il peut se passer des tas de choses. C'est ça. Voilà. Bon, ben, moi, ce rituel-là, tu as commencé à l'écrire dans ton projet. Tu as donné des règles du jeu. Je crois que c'est un bon axe de travail. Ces règles-là, je les ai réfléchies avant, justement à choisir les mots qui ne vont pas, en fait... Heurter, voilà, il ne faut pas que ça heurte. Bon, et bien, donc le boulot est fait, on ne va pas le refaire. Bon. Par contre, le travail est fait, mais il faut l'adapter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre tes mots et les adapter, les faire rentrer, toujours avec cette motivation, très marketing à tes yeux, mais quand même bien réelle, à travers laquelle on va prendre un quidam et on va le faire changer d'état par cette petite ascension pour arriver jusqu'au jardin. C'est ça, ce rite de passage-là, qui va faire que le jardin fonctionne, me semble-t-il, ou ne fonctionnera pas. De toute façon, il ne fonctionnera pas de la même façon pour tout le monde. Mais si on a un rituel relativement écuménique, relativement large de pensée, ben, je pense que ouais, ça peut faire avancer le chemin public. Oui, oui. Le rituel, je dirais, pour en avoir discuté avec Stéphane, lui, déjà, il est un petit peu en extase devant la source qui est en bas. L'eau, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, tous les peuples, toutes les religions. C'est un domaine qui est plus ou moins sacré, en fait, l'eau, puisqu'on en a besoin pour vivre. Donc, y a quelque chose derrière. Alors, lui, il a commencé à mettre quelques pierres devant en disant qu'il faut qu'il y ait un récupérateur d'eau. Et à mon avis, dès qu'il y aura un bassin à cet endroit-là, je suis sûr qu'on aura des pièces qui vont arriver au fond, tout seul. Parce que c'est, l'endroit étant beau, ça va élever un peu l'âme de ceux qui passent devant. Bon, en ce moment, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de voiture, donc, sauf le samedi et le dimanche. Donc on le voit bien. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est bien, moi en tout cas, je ressens une ouverture beaucoup plus grande maintenant. Pour avoir finalement vu ce terrain, c'est encore beaucoup de choses à voir, mais vu ce terrain sous des aspects qui, en fait, sortent un peu des limites. Et ce qu'on avait vu, un peu, ce qui rejoint le terme dépassement, c'est-à-dire on dépasse les limites. Ces limites, c'est en fait, c'est nous qui les avons fixées. C'est ça qui est effrayant, mais ou qui sommes en train de les créer. Par nos bêtises, là. Les histoires de nature, de réchauffement climatique. Enfin, là, en fait, ce sont des choses qui dépassent ça, qui dépassent les limites. Alors, comment faire comment aller jusqu'au bout de ça? Je crois qu'on a quand même pas mal d'éléments qui permettent de penser qu'on va pouvoir le faire. Et le premier élément, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes invité chez moi. En gros, c'est ça. Et moi, je regarde, quand je regarde ce jardin, je regarde en même temps le Créateur, et je me suis dit, bon, c'est un peu lui qui assure. Même si je prends les assurances pour nous, pour, je dirais, terrestre, c'est quand même lui qui assure. Il y a un mot que je n'ai pas réussi à placer dans le... dans le projet, et pourtant il est permanent, puisqu'il y a la porte basse, c'est humilité. Celui qui est juste derrière toi, Claude. Humilité. Humilité, ça fait référence très vite à... très vite, on en arrive à une connotation judéo-chrétienne. Humilité. C'est, en gros, se posterner devant plus grand, et... Et tu vois, dans le petit texte que j'ai envoyé par... le petit fichier que j'ai envoyé par Skype, tu as dû aussi l'avoir sur l'ensemble, puisque c'est dans la conversation, avec les morceaux de tableau, j'ai pas réussi à placer le mot humilité. Je sais pas où le mettre. Le concept... j'ai repris le concept marketing avec les différentes étapes. Et ben dans le marketing, il n'y a pas d'humilité. L'humilité, c'est un état d'être à travers lequel on va se dépouiller pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, on ne peut pas l'aborder en étant embarrassé par de multiples choses. Donc, il faut se dépouiller, et pour se dépouiller, eh bien, il faut avoir une attitude tourner vers l'humilité. Est-ce que tu comprends mieux Oui, mais ça ne rentre pas dans les critères marketing. Mais ça non, mais ça, c'est les critères que tu as définis toi. Rappelle-toi, quand je les ai relus avec toi, ces critères, je te dis, je ne me reconnais pas bien là-dedans. Bon. Voilà. Mais l'humilité, c'est dans le fameux rituel dont on parlait tout à l'heure, c'est l'étape par laquelle tu passes pour te dépouiller de toute cette gangue de matérialité qui t'embarrasse la vie. Un moyen, oui. C'est un moyen. C'est une attitude. C'est une attitude et dans laquelle tu dois être. Parce que l'humilité, ça va être la porte ouverte à plein de choses. Si tu veux être libre, bah, il vaut mieux être humble dans sa tête. Si tu veux, si tu veux aimer, eh bien, le premier pas de l'amour, c'est d'abord l'humilité. En fait, dans l'amour, on est forcément humble parce que mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Complètement. Complètement. Bon, dites-moi les amis, là je vois l'heure qui tourne, j'ai des engagements à 17h30. Qu'est-ce qu'on se donne? Parce que moi j'aimerais bien, Philippe, si tu veux, cette histoire de petite annonce à passer, là, ça me paraît très intéressant parce que ça te forcerait à être plus synthétique, à communiquer avec l'autre, avec ce quidam que tu veux interpeller, et à partir du texte que tu auras fait, concocté, eh bien, tu pourrais nous l'envoyer pour qu'on travaille dessus et qu'on voit ce qui peut être amélioré, parce que l'annonce que tu passes sur Google, tu peux la modifier comme tu veux. Hein. Donc, ça serait bien si on pouvait passer ça à nos moulinettes respectives. Ça marche. Alors, donc, le prochain sujet, c'est quelle annonce? Si tu veux, ouais, on peut appeler ça quelle annonce? Quelle annonce pour Google? Voilà. Oui. Et, d'accord. Et ça nous amène à nous dire qu'on se reverrait quand? Les choses auront peut-être changé dans notre vie. Est-ce qu'on peut dire le jeudi 4? Alors, jeudi de la semaine prochaine, je pense. Alors, ça devrait marcher. Moi, ça marche. Je devrais être encore là. Quoi, tu vas bouger encore? Oui, je vais bouger. Je vais aller au bord du lac Léman à Messerie. J'ai des essais à faire sur l'énergétique de la grosse maison qui est là. Parce que, bah, tu vois, là, par exemple, cette grosse maison, on l'a mis en hors gel pour que ça ne gèle pas à l'intérieur. Pour ne pas vider toutes les canalisations, et ben, rien que pour la mettre en hors gel, il y a des jours où il a fait très froid là-bas, on perdait 25 euros par jour, uniquement en chauffage hors gel. C'est monstrueux. Ouais. Voilà. Bah, achète quelque chose en Afrique. Bon, on peut dire le jeudi 4 à 15h, ça vous irait? Alors, jeudi. À 15h, le 4? Ouais, oui, ça te dirait? Ça marche. Allez, moi, hop. Parfait. Oui. Rendez-vous. Et là, à ce moment-là, on travaillera sur la prose que nous aura soumis. C'est ça. Hein? Que j'aurais déjà concocté. Voilà, mais je pense que tu as tout. Dans ton travail de projet, tu as tout. Et d'arriver à faire une synthèse de ce tout, ça sera encore plus intéressant, tu verras. Non? Excellent. C'est bien. Oui. Allez, c'est parfait. Bah, d'ici là, je vous souhaite plein de bon temps. Ce qui sera bien quand tu auras fait ton annonce, tu peux nous l'envoyer, un lien vers... Oui. Hein? Je vais déjà la réfléchir. Je vais aller voir comment ça se passe déjà sur ce site. Ouais. Savoir quelle importance revêt l'annonce, combien de mots en gros, et tout ça, quoi. Oh, et puis, je pense que c'est assez libre. Hein. C'est assez libre, tu peux. Parce que même moi, tu vois, en vous écoutant tout à l'heure, je relisais ma propre annonce que j'ai mise le week-end dernier. Je vais peut-être un peu la bouger. Pense bien au Covid, Philippe. Hein, oui, oui. De bien positionner le débat à travers ceux qui pourraient être intéressés, qu'on travaille par vidéo, téléconférence, etc. etc. Hein. Ça marche. Ça marche. Allez, salut à tous. Et merci pour ce bon temps. Merci. Voilà, en tout cas, s'il y a des choses encore à partager, vous pouvez le faire aussi en envoyant des mails et des trucs comme ça. Hein. Tout à fait. Ça, on n'a pas que ce rendez-vous qui est possible. Non, c'est vrai. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.